Rome, chapitre 2. À 7 heures, la rue Giulia, qui s'étend toute droite sur près de 500 mètres, du palais Farnèse à l'église Saint-Jean des Florentins, était baignée d'un soleil clair, dont la nappe l'enfilait d'un bout à l'autre, blanchissant le petit pavé carré de sa chaussée sans trottoir. Et la voiture la remonta presque entièrement entre les vieilles demeures grises, comme endormies et vides, aux grandes fenêtres grillées de fer, aux porches profonds, laissant voir des cours sombres, pareilles à des puits. Ouverte par le pape Jules II, qui rêvait de la bordée de palais magnifiques, la rue la plus régulière, la plus belle de Rome à l'époque, avait servi de corso au XVIe siècle. On sentait l'ancien beau quartier tombé au silence, au désert de l'abandon, envahi par une sorte de douceur et de discrétion cléricale. Et les vieilles façades se succédaient, les persiennes closes, quelques grilles fleuries de plantes grimpantes, des chats assis sur les portes, des boutiques obscures où sommeillaient d'humbles commerces installés dans des dépendances. Tandis que les passants étaient rares, d'actives bourgeoises qui se hâtaient, de pauvres femmes en cheveux traînant des enfants, une charrette de foin attelée d'un mulet, un moine superbe drapé de bure, un vélocipédiste filant sans bruit et dont la machine étincelait au soleil. Enfin, le cocher se tourna, montra un grand bâtiment carré au coin d'une ruelle qui descendait vers le Tibre. « Palazzo Boccanera !» Pierre leva la tête. Et ce sévère logis, noirci par l'âge, d'une architecture si nue et si massive, lui serra un peu le cœur. Comme le palais Farnèse et comme le palais Sacchetti, ses voisins, il avait été bâti par Antonio da San Gallo, vers 1540. Et même, comme pour le premier, la tradition voulait que l'architecte eût employé, dans la construction, des pierres volées au Colisée et au théâtre de Marcellus. Vaste et carré sur la rue, la façade à 7 fenêtres avait 3 étages, le premier très élevé, très noble. Et, pour toute décoration, les hautes fenêtres du rez-de-chaussée, barrées d'énormes grilles saillantes, dans la crainte sans doute de quelques sièges, étaient posées sur de grandes consoles et couronnées par des attiques qui reposaient elles-mêmes sur des consoles plus petites. Au-dessus de la monumentale porte d'entrée, au battant de bronze, devant la fenêtre du milieu, régnait un balcon. La façade se terminait, sur le ciel, par un entablement somptueux, dont la frise offrait une grâce et une pureté d'ornement admirables. Cette frise, les consoles et les attiques des fenêtres, les chambranles de la porte, étaient de marbre blanc, mais si ternis, si émiettés, qu'ils avaient pris le grain rude et jauni de la pierre. À droite et à gauche de la porte se trouvaient 2 antiques bancs portés par des griffons, de marbre également. Et l'on voyait encore, encastrée dans le mur à l'un des angles, une adorable fontaine Renaissance, aujourd'hui tarie, un amour qui chevauchait un dauphin, à peine reconnaissable, tellement l'usure avait mangé le relief. Mais les regards de Pierre venaient d'être attirés surtout par un écusson sculpté au-dessus d'une des fenêtres du rez-de-chaussée, les armes des Boccanera, le dragon ailé soufflant des flammes. Et il lisait nettement la devise, restée intacte. « Boccanera, alma rossa, bouche noire, âme rouge. » Au-dessus d'une autre fenêtre, en pendant, il y avait une de ces petites chapelles encore nombreuses à Rome, une sainte Vierge vêtue de satin, devant laquelle une lanterne brûlait en plein jour. Le cocher, comme il est d'usage, allait s'engouffrer sous le porche sombre et béant, lorsque le jeune prêtre, saisi de timidité, l'arrêta. « Non, non, n'entrez pas, c'est inutile. » Et il descendit de la voiture, le paya, se trouva avec sa valise à la main sous la voûte, puis dans la cour centrale, sans avoir rencontré âme qui vive. C'était une cour carrée, vaste, entourée d'un portique, comme un cloître. Sous les arcades mornes, des débris de statues, des marbres de fouilles, un Apollon sans bras, une Vénus dont il ne restait que le tronc, étaient rangés contre les murs. Et une herbe fine avait poussé entre les cailloux qui pavaient le sol d'une mosaïque blanche et noire. Jamais le soleil ne semblait devoir descendre jusqu'à ce pavé moisi d'humidité. Il régnait là une ombre, un silence, d'une grandeur morte et d'une infinie tristesse. Pierre, surpris par le vide de ce palais muet, cherchait toujours quelqu'un, un concierge, un serviteur, et il crut avoir vu filer une ombre. Il se décida à franchir une autre voûte qui conduisait à un petit jardin sur le Tibre. De ce côté, la façade, toute unie, sans un ornement, n'offrait que les trois rangées de ses fenêtres symétriques. Mais le jardin lui serra le cœur davantage par son abandon. Au centre, dans un bassin comblé, avaient poussé de grands buis amers. Parmi les herbes folles, des orangers aux fruits d'or mûrissant indiquaient seuls le dessin des allées qu'ils bordaient. Contre la muraille de droite, entre deux énormes lauriers, il y avait un sarcophage du IIe siècle, des faunes violentant des femmes, toute une effrénée bacchanale, une de ces scènes d'amour vorace que la Rome de la décadence mettait sur les tombeaux. Et, transformé en auge, ce sarcophage de marbre, effrité, verdi, recevait le mince filet d'eau qui coulait d'un large masque tragique scellé dans le mur. Sur le Tibre s'ouvrait anciennement là une sorte de loggia à portique, une terrasse d'où un double escalier descendait au fleuve. Mais les travaux des quais étaient en train d'exhausser les berges, la terrasse se trouvait déjà plus bas que le nouveau sol, parmi des décombres, des pierres de taille abandonnées, au milieu de l'éventrement crayeux et lamentable qui bouleversait le quartier. Cette fois, Pierre fut certain d'avoir vu l'ombre d'une jupe. Il retourna dans la cour. Il s'y trouva en présence d'une femme qui devait approcher de la cinquantaine, mais sans un cheveu blanc, l'air gai, très vive, dans sa taille un peu courte. Pourtant, à la vue du prêtre, son visage rond aux petits yeux clairs avait exprimé comme une méfiance. Lui, tout de suite, s'expliqua en cherchant les quelques mots de son mauvais italien. « Madame, je suis l'abbé Pierre Froment. » Mais elle ne le laissa pas continuer. Elle dit en très bon français, avec l'accent un peu gras et traînard de l'Île-de-France, « Ah, monsieur l'abbé, je sais, je vous attendais, j'ai des ordres. » Et comme il la regardait, ébahi, « Moi, je suis française, voici 25 ans que j'habite leur pays, et je n'ai pas encore pu m'y faire à leur satané charabia. » Alors, Pierre se souvint que le vicomte Philibert de la Choux lui avait parlé de cette servante, Victorine Bosquet, une beauceronne, d'Auneau, venue à Rome à 22 ans avec une maîtresse phtisique, dont la mort brusque l'avait laissée éperdue comme au milieu d'un pays de sauvages. Aussi s'était-elle donnée corps et âme à la comtesse Ernesta Brandini, une boccanera qui venait d'accoucher et qui l'avait ramassée sur le pavé pour en faire la bonne de sa fille Benedetta, avec l'idée qu'elle l'aiderait à apprendre le français. Depuis 25 ans dans la famille, elle s'était haussée au rôle de gouvernante, tout en restant une illettrée, si dénuée du don des langues qu'elle n'était parvenue qu'à baragouiner un italien exécrable pour les besoins du service dans ses rapports avec les autres domestiques. « Et monsieur le vicomte va bien ?» reprit-elle avec sa familiarité franche. « Il est si gentil, il nous fait tant de plaisir quand il descend ici à chacun de ses voyages. Je sais que la princesse et la contessina ont reçu de lui hier une lettre qui vous annonçait. » C'était, en effet, le vicomte Philibert de la Choux qui avait tout arrangé pour le séjour de Pierre à Rome. de l'antique et vigoureuse race des Boccanera, il ne restait que le cardinal Pio Boccanera, la princesse sa sœur, vieille fille qu'on appelait par respect Donna Serafina, puis leur nièce Benedetta, dont la mère Ernesta avait suivi au tombeau son mari, le comte Brandini, et enfin leur neveu, le prince Dario Boccanera, dont le père, le prince Onofrio Boccanera, était mort, et la mère, une Montefiori, remariée. Par le hasard d'une alliance, le vicomte s'était trouvé petit-parent de cette famille. Son frère cadet avait épousé une Brandini, la sœur du père de Benedetta. Et c'est ainsi, à titre complaisant d'oncle, qu'il avait séjourné plusieurs fois au palais de la rue Giulia, du vivant du comte. Il s'était attaché à la fille de celui-ci, surtout depuis le drame intime d'un fâcheux mariage qu'elle tâchait de faire annuler. Maintenant qu'elle était revenue près de sa tante Serafina et de son oncle le cardinal, il lui écrivait souvent, il lui envoyait des livres de France. Entre autres, il lui avait donc adressé celui de Pierre. Et toute l'histoire était partie de là, des lettres échangées, puis une lettre de Benedetta annonçant que l'œuvre était dénoncée à la congrégation de l'Index, conseillant à l'auteur d'accourir et lui offrant gracieusement l'hospitalité au palais. Le vicomte, aussi étonné que le jeune prêtre, n'avait pas compris, mais il l'avait décidé à partir, par bonne politique, passionné lui-même pour une victoire qu'à l'avance il faisait sienne. Et dès lors, les farments de Pierre se comprenaient, tombant dans cette demeure inconnue, engagé dans une aventure héroïque dont les raisons et les conditions lui échappaient. Victorine reprit tout d'un coup. « Mais je vous laisse là, monsieur l'abbé. Je vais vous conduire dans votre chambre. Où est votre malle ?» Puis, lorsqu'il lui eut montré sa valise, qu'il s'était décidé à poser par terre, en lui expliquant que pour un séjour de 15 jours, il s'était contenté d'une soutane de rechange avec un peu de linge, elle sembla très surprise. « 15 jours? Vous croyez ne rester que 15 jours? Enfin, vous verrez bien. » Et, appelant un grand diable de laquais qui avait fini par se montrer, « Giacomo, montez ça dans la chambre rouge. Si monsieur l'abbé veut me suivre. » Pierre venait d'être tout égayé et réconforté par cette rencontre imprévue d'une compatriote, si vive, si bonne femme, au fond de ce sombre palais romain. Maintenant, en traversant la cour, il l'écoutait lui conter que la princesse était sortie, et que la contessina, comme on continuait à appeler Benedetta dans la maison, par tendresse malgré son mariage, n'avait pas encore paru ce matin-là, un peu souffrante, mais elle répétait qu'elle avait des ordres. L'escalier se trouvait dans un angle de la cour, sous le portique. Un escalier monumental, aux marches larges et basses, si douces qu'un cheval aurait pu les monter aisément. Mais aux murs de pierre si nus, aux paliers si vides et si solennels, qu'une mélancolie de mort tombait des hautes voûtes. Arrivée au premier étage, Victorine eut un sourire en remarquant l'émoi de Pierre. Le palais semblait inhabité. Pas un bruit ne venait des salles closes. Elle désigna simplement une grande porte de chêne à droite. « Son éminence occupe ici l'aile sur la cour et sur la rivière. »« Oh, pas le quart de l'étage seulement. On a fermé tous les salons de réception sur la rue. Comment voulez-vous entretenir une pareille halle ? Et pourquoi faire ? Il faudrait du monde. » Elle continuait de monter de son pas alerte, restée étrangère, trop différente sans doute, pour être pénétrée par le milieu. Et au second étage, elle reprit. « Tenez, voici à gauche l'appartement de Donna Serafina, et à droite, voici celui de la Contessina. C'est le seul coin de la maison un peu chaud où l'on se sente vivre. « D'ailleurs, c'est lundi aujourd'hui. La princesse reçoit ce soir. Vous verrez ça. » Puis, ouvrant une porte qui donnait sur un autre escalier très étroit, « Nous autres, nous logeons au troisième. Si monsieur l'abbé veut bien me permettre de passer devant lui. » Le grand escalier d'honneur s'arrêtait au second, et elle expliqua que le troisième étage était seulement desservi par cet escalier de service, qui descendait à la ruelle longeant le flanc du palais jusqu'au Tibre. Il y avait là une porte particulière, c'était très commode. Enfin, au troisième, elle suivit un corridor, elle montra de nouveau des portes. « Voici le logement de Don Vigilio, le secrétaire de son éminence. Voici le mien, et voici celui qui va être le vôtre. Chaque fois que monsieur le vicomte vient passer quelques jours à Rome, il n'en veut pas d'autre. Il dit qu'il est plus libre, qu'il sort et qu'il rentre quand il veut. » Je vous donnerai, comme à lui, une clé de la porte en bas. Et puis, vous allez voir quelle jolie vue !» Elle était entrée. Le logement se composait de deux pièces. Un salon assez vaste, tapissé d'un papier rouge à grand ramage, et une chambre au papier gris de lin, semée de fleurs bleues décolorées. Mais le salon faisait l'angle du palais, sur la ruelle et sur le Tibre. Et elle était allée tout de suite aux deux fenêtres, l'une ouvrant sur les lointains du fleuve, en aval, l'autre donnant en face sur le Transtévère et sur le Janicule, de l'autre côté de l'eau. « Ah oui, c'est très agréable !» dit Pierre, qui l'avait suivi, debout près d'elle. Giacomo, sans se presser, arriva derrière eux avec la valise. Il était 11 heures passées. Alors, voyant le prêtre fatigué, comprenant qu'il devait avoir très faim après un tel voyage, Victorine offrit de lui faire servir tout de suite à déjeuner dans le salon. Ensuite, il aurait l'après-midi pour se reposer ou pour sortir, et il ne verrait ces dames que le soir, au dîner. Il se récria, déclara qu'il sortirait, qu'il n'allait certainement pas perdre un après-midi entier. Mais il accepta de déjeuner, car, en effet, il mourait de faim. Cependant, Pierre dut patienter une grande demi-heure encore. Giacomo, qui le servait sous les ordres de Victorine, était sans hâte. Et celle-ci, pleine de méfiance, ne quitta le voyageur qu'après s'être assurée qu'il ne manquait réellement de rien. « Ah, monsieur l'abbé, quels gens, quel pays ! Vous ne pouvez pas vous en faire la moindre idée. J'y vivrai 100 ans que je ne m'y habituerai pas. Mais la contessina est si belle, si bonne !» Puis, tout en mettant elle-même sur la table une assiette de figues, elle le stupéfia quand elle ajouta qu'une ville où il n'y avait que des curés ne pouvait pas être une bonne ville. Cette servante incrédule, si active et si gaie, dans ce palais, recommençait à l'effarer. « Comment ? Vous êtes sans religion ?»« Non, non, monsieur l'abbé. Les curés, voyez-vous, ce n'est pas mon affaire. J'en avais connu déjà un en France quand j'étais petite. Plus tard, ici, j'en ai trop vu, c'est fini. Oh, je ne dis pas ça pour son éminence, qui est un saint homme, digne de tous les respects. Et l'on sait dans la maison que je suis une honnête fille. Jamais je ne me suis mal conduite. Pourquoi ne me laissera-t-on pas tranquille du moment que j'aime bien mes maîtres et que je fais soigneusement mon service ?» Elle finit par rire franchement. « Quand on m'a dit qu'un prêtre allait venir, comme si nous n'en avions déjà pas assez, ça m'a fait d'abord grogner dans les coins. Mais vous m'avez l'air d'un brave jeune homme. Je crois que nous nous entendrons à merveille. » Je ne sais pas à cause de quoi je vous en raconte si long. Peut-être parce que vous venez de France, et peut-être aussi parce que la contessina s'intéresse à vous. Enfin, vous m'excusez, n'est-ce pas, monsieur l'abbé? Et croyez-moi, reposez-vous aujourd'hui. Ne faites pas la bêtise d'aller courir leur ville, où il n'y a pas des choses si amusantes qu'ils le lisent. » Lorsqu'il fut seul, Pierre se sentit brusquement accablé sous la fatigue accumulée du voyage, accrue encore par la matinée de fièvre enthousiaste qu'il venait de vivre. Et, comme grisé, étourdi par les 2 œufs et la côtelette mangée en hâte, il se jeta tout vêtu sur le lit avec la pensée de se reposer une demi-heure. Il ne s'endormit pas sur le champ, il songeait à ces boccanera dont il connaissait en partie l'histoire, dont il rêvait la vie intime dans le grossissement de ses premières surprises, au travers de ce palais désert et silencieux, d'une grandeur si délabrée et si mélancolique. Puis ses idées se brouillèrent, il glissa au sommeil parmi tout un peuple d'ombres, les unes tragiques, les autres douces, des faces confuses qui le regardaient de leurs yeux d'énigme en tournoyant dans l'inconnu. Les Boccanera avaient compté deux papes, l'un au XIIIe siècle, l'autre au XVe. Et c'était de ces deux élus, maîtres tout-puissants, qu'ils tenaient autrefois leur immense fortune, des terres considérables du côté de Viterbe, plusieurs palais dans Rome, des objets d'art à emplir des galeries, un amas d'or à combler des caves. La famille passait pour la plus pieuse du patriciat romain, celle dont la foi brûlait, dont l'épée avait toujours été au service de l'Église, la plus croyante, mais la plus violente, la plus batailleuse aussi, continuellement en guerre, d'une sauvagerie telle que la colère des Boccanera était passée en proverbe. Et de là venaient leurs armes, le dragon ailé soufflant des flammes, la devise ardente et farouche qui jouait sur leur nom, Boccanera Alma Rossa, bouche noire, âme rouge, la bouche enténébrée d'un rugissement, l'âme flamboyant comme un brasier de foi et d'amour. Des légendes de passions folles, d'actes de justice terribles, couraient encore. On racontait le duel d'Onfredo, le Boccanera, qui, vers le milieu du XVIe siècle, avait justement fait bâtir le palais actuel, sur l'emplacement d'une antique demeure démolie. Onfredo, ayant su que sa femme s'était laissée baiser sur les lèvres par le jeune comte Costamagna, le fit enlever un soir, puis amener chez lui les membres liés de cordes. Et là, dans une grande salle, avant de le délivrer, il le força de se confesser à un moine. Ensuite, il coupa les cordes avec un poignard, il renversa les lampes, et il cria au comte de garder le poignard et de se défendre. Pendant près d'une heure, dans une obscurité complète, au fond de cette salle encombrée de meubles, les deux hommes se cherchèrent, s'évitèrent, s'étreignirent en se lardant à coups de lame. Et quand on enfonça les portes, on trouva, parmi les mares de sang, au travers des tables renversées, des sièges brisés, Costamagna, le nez coupé, les cuisses déchiquetées de 32 blessures, tandis qu'Onfredo avait perdu deux doigts de la main droite, les épaules trouées comme un crible. Le miracle fut que ni l'un ni l'autre n'en moururent. 100 ans plus tôt, sur cette même rive du Tigre, une Boccanera, une enfant de 16 ans à peine, la belle et passionnée Cassia, avait frappé Rome de terreur et d'admiration. Elle aimait Flavio Corradini, le fils d'une famille rivale, exécré, que son père, le prince Boccanera, lui refusait rudement, et que son frère aîné, Ercole, avait juré de tuer s'il le surprenait jamais avec elle. Le jeune homme la venait voir en barque. Elle le rejoignait par le petit escalier qui descendait au fleuve. Or, Ercole, qui les guettait, sauta un soir dans la barque, plantant un couteau en plein cœur de Flavio. Plus tard, on put rétablir les faits. On comprit que Cassia, alors grondante, folle et désespérée, faisant justice, ne voulant pas elle-même survivre à son amour, s'était jetée sur son frère, avait saisi de la même étreinte irrésistible le meurtrier et la victime en faisant chavirer la barque. Lorsqu'on avait retrouvé les trois corps, Cassia serrait toujours les deux hommes, écrasait leurs visages l'un contre l'autre entre ses bras nus, restés d'une blancheur de neige. Mais c'était là des époques disparues. Aujourd'hui, si la foi demeurait, la violence du sang semblait se calmer chez les Boccanera. Leur grande fortune aussi s'en était allée dans la lente déchéance qui, depuis un siècle, frappe de ruines le patriciat de Rome. Les terres avaient dû être vendues. Le palais s'était vidé, tombant peu à peu au train médiocre et bourgeois des temps nouveaux. Eux, du moins, se refusaient obstinément à toute alliance étrangère, glorieux de leur sang romain resté pur. Et la pauvreté n'était rien. Ils contentaient là leur orgueil immense. Ils vivaient à part, sans une plainte, au fond du silence et de l'ombre où s'achevait leur race. Le prince Ascanio, mort en 1848, avait eu d'une corvicieri 4 enfants. Pio, le cardinal, Séraphine, qui ne s'était pas mariée pour demeurer près de son frère, et Ernesta, n'ayant laissé qu'une fille. Il ne restait donc comme héritier mâle, seul continuateur du nom, que le fils d'Onofrio, le jeune prince Dario, âgé de 30 ans. Avec lui, s'il mourait sans postérité, les Boccanera, si vivaces, dont l'action avait empli l'histoire, devaient disparaître. Dès l'enfance, Dario et sa cousine Benedetta s'étaient aimés d'une passion souriante, profonde et naturelle. Ils étaient nés l'un pour l'autre. Ils n'imaginaient pas qu'ils pussent être venus au monde pour autre chose que pour être mari et femme, lorsqu'ils seraient en âge de se marier. Le jour où, déjà près de la quarantaine, le prince Onofrio, homme aimable, très populaire dans Rome, dépensant son peu de fortune au gré de son cœur, s'était décidé à épouser la fille de la Montefiori, la petite marquise Flavia, dont la beauté superbe de Junon enfant l'avait rendu fou, il était allé habiter la villa Montefiori, la seule richesse, l'unique propriété que ces dames possédaient, du côté de Sainte-Agnès hors les murs. Un vaste jardin, un véritable parc, planté d'arbres centenaires, où la villa elle-même, une assez pauvre construction du XVIIe siècle, tombait en ruine. De mauvais bruits couraient sur ces dames, la mère presque déclassée depuis qu'elle était veuve, la fille trop belle, les allures trop conquérantes. Aussi, le mariage avait-il été désapprouvé formellement par Séraphine, très rigide, et par le frère aîné, Pio, alors seulement camérier secret participant du Saint-Père, chanoine de la Basilique Vaticane. Et seule Ernesta avait gardé avec son frère, qu'elle adorait pour son charme rieur, des relations suivies. De sorte que, plus tard, sa meilleure distraction était devenue, chaque semaine, de mener sa fille Benedetta passer toute une journée à la villa Montefiori. Et quelle journée délicieuse pour Benedetta et pour Mario! Âgée, elle, de 10 ans, lui de 15, quelle journée tendre et fraternelle, au travers de ce jardin si vaste, presque abandonné, avec ses pins parasols, ses buis géants, ses bouquets de chênes verts, dans lesquels on se perdait comme dans une forêt vierge. Ce fut une âme de passion et de souffrance que la pauvre âme étouffée d'Ernesta. Elle était née avec un besoin de vivre immense, une soif de soleil, d'existence heureuse, libre et active au plein jour. On la citait pour ses grands yeux clairs, pour l'ovale charmant de son doux visage. Très ignorante, comme toutes les filles de la noblesse romaine, ayant appris le peu qu'elle savait dans un couvent de religieuses françaises, elle avait grandi cloîtrée au fond du noir palais Boccanera, ne connaissant le monde que par la promenade quotidienne qu'elle faisait en voiture avec sa mère, au Corso et au Pincio. Puis, à 25 ans, lasse et désolée déjà, elle contracta le mariage habituel. Elle épousa le comte Brandini, le dernier né d'une très noble famille, très nombreuse et pauvre, qui dut venir habiter le palais de la rue Giulia, où toute une aile du second étage fut disposée pour que le jeune ménage s'y installât. Et rien ne fut changé. Ernesta continua de vivre dans la même ombre froide, dans ce passé mort dont elle sentait de plus en plus sur elle le poids, comme une pierre de tombe. C'était d'ailleurs, de part et d'autre, un mariage très honorable. Le comte Brandini passa bientôt pour l'homme le plus sot et le plus orgueilleux de Rome. Il était d'une religion stricte, formaliste et intolérant, et il triompha lorsqu'il parvint, après des intrigues sans nombre, de sourdes menées qui durèrent 10 ans, à se faire nommer grand écuyer de sa sainteté. Dès lors, avec sa fonction, il sembla que toute la majesté morne du Vatican entra dans son ménage. Encore la vie fut-elle possible pour Ernesta sous Pie IX jusqu'en 1870. Elle osait ouvrir les fenêtres sur la rue, recevait quelques amis sans se cacher, acceptait des invitations à des fêtes. Mais lorsque les Italiens eurent conquis Rome et que le pape se déclara prisonnier, ce fut le sépulcre, rue Giulia. On ferma la grande porte, on la verrouilla, on en cloua les battants en signe de deuil. Et pendant 12 années, on ne passa que par le petit escalier donnant sur la ruelle. Défense également d'ouvrir les persiennes de la façade. C'était la bouderie, la protestation du monde noir, le palais tombé à une immobilité de mort. Et une réclusion totale. Plus de réception, de rares ombres, les familles de Donna Serafina qui, le lundi, se glissaient par la porte étroite, entrebâillées à peine. Alors, pendant ces 12 années lugubres, la jeune femme pleura chaque nuit. Cette pauvre âme, sourdement désespérée, agonisa d'être ainsi enterrée vive. Ernesta avait eu sa fille Benedetta assez tard, à 33 ans. D'abord, l'enfant lui fut une distraction. Puis, l'existence réglée la reprit dans son broiement de meule. Elle dut mettre la fillette au Sacré-Cœur de la Trinité des Monts chez les religieuses françaises qui l'avaient instruite elle-même. Benedetta en sortit grande fille à 19 ans, sachant le français et l'orthographe, un peu d'arithmétique, le catéchisme, quelques pages confuses d'histoire. Et la vie des deux femmes avait continué, une vie de gynécée où l'Orient se sent déjà. Jamais une sortie avec le mari, avec le père, les journées passées au fond de l'appartement clos, égayées par l'unique, l'éternelle promenade obligatoire, le tour quotidien au Corso et au Pincio. À la maison, l'obéissance restait absolue. Le lien de famille gardait une autorité, une force, qui les pliait toutes deux sous la volonté du comte, sans révolte possible. Et à cette volonté s'ajoutait celle de Donna Serafina et du cardinal, sévère défenseur des vieilles coutumes. Depuis que le pape ne sortait plus dans Rome, la charge de grand écuyer laissait des loisirs au comte, car les écuries se trouvaient singulièrement réduites. Mais il n'en faisait pas moins au Vatican son service, simplement d'apparat, avec un déploiement de zèle dévot. Comme une protestation continue contre la monarchie usurpatrice installée au Quirinal. Benedetta venait d'avoir 20 ans lorsque son père rentra, un soir, d'une cérémonie à Saint-Pierre, toussant et frissonnant. 8 jours après, il mourait, emporté par une fluxion de poitrine. Et, au milieu de leur deuil, ce fut une délivrance inavouée pour les deux femmes, qui se sentirent libres. Dès ce moment, Ernesta n'eut plus qu'une pensée, sauver sa fille de cette affreuse existence murée, ensevelie. Elle s'était trop ennuyée, il n'était plus temps pour elle de renaître, mais elle ne voulait pas que Benedetta vécût à son tour une vie contre nature dans une tombe volontaire. D'ailleurs, une lassitude, une révolte pareille se montrait chez quelques familles patriciennes, qui, après la bouderie des premiers temps, commençaient à se rapprocher du Quirinal. Pourquoi les enfants, avides d'action, de liberté et de grand soleil, auraient-ils épousé éternellement la querelle des pères? Et, sans qu'une réconciliation pût se produire entre le monde noir et le monde blanc, des nuances se fondaient déjà, des alliances imprévues avaient lieu. La question politique laissait Ernesta indifférente. Elle l'ignorait même. Mais ce qu'elle désirait avec passion, c'était que sa race sortit enfin de cet exécrable sépulcre, de ce palais Boccanera, noir, muet, où ses joies de femme s'étaient glacées d'une mort si longue. Elle avait trop souffert dans son cœur de jeune fille, d'amante et d'épouse. Elle cédait à la colère de sa destinée manquée, perdue en une imbécile résignation. Et le choix d'un nouveau confesseur, à cette époque, influa encore sur sa volonté. Car elle était restée très religieuse, pratiquante, docile au conseil de son directeur. Pour se libérer davantage, elle venait de quitter le père jésuite, choisi par son mari lui-même, et elle avait pris l'abbé Pisoni, le curé d'une petite église voisine, Sainte Brigitte, sur la place Farnèse. C'était un homme de 50 ans, très doux et très bon, d'une charité rare en pays romain, dont l'archéologie, la passion des vieilles pierres, avait fait un ardent patriote. On racontait que, si humble qu'il fût, il avait à plusieurs reprises servi d'intermédiaire entre le Vatican et le Quirinal, dans des affaires délicates, et, devenu aussi le confesseur de Benedetta, il aimait à entretenir la mère et la fille de la grandeur de l'unité italienne, de la domination triomphale de l'Italie, le jour où le pape et le roi s'entendraient. Benedetta et Dario s'aimaient comme au premier jour, sans hâte, de cet amour fort et tranquille des amants qui se savent l'un à l'autre. Mais il arriva, alors, qu'Ernesta se jeta entre eux, s'opposa obstinément au mariage. « Non, non, pas Dario, pas ce cousin, le dernier du nom, qui enfermerait lui aussi sa femme dans le noir tombeau du palais Boccanera. Ce serait l'ensevelissement continué, la ruine aggravée, la même misère orgueilleuse, l'éternelle bouderie qui déprime et endort. Elle connaissait bien le jeune homme, le savait égoïste et affaibli, incapable de penser et d'agir, destiné à enterrer sa race en souriant, à laisser crouler les dernières pierres de la maison sur sa tête sans tenter un effort pour fonder une famille nouvelle. Et ce qu'elle voulait, c'était une fortune autre, son enfant renouvelé, enrichi, s'épanouissant à la vie des vainqueurs et des puissants de demain. Dès ce moment, la mère ne cessa de s'entêter à faire le bonheur de sa fille, malgré elle, lui disant ses larmes, la suppliant de ne pas recommencer sa déplorable histoire. Cependant, elle aurait échoué, contre la volonté paisible de la jeune fille qui s'était donnée à jamais, si des circonstances particulières ne l'avaient mise en rapport avec le gendre qu'elle rêvait. Justement, à la Villa Montefiori, où Benedetta et Dario s'étaient engagés, elle fit la rencontre du comte Prada, le fils d'Orlando, un des héros de l'unité italienne. Venu de Milan à Rome avec son père à l'âge de 18 ans, lors de l'occupation, il était entré d'abord au ministère des Finances, comme simple employé, tandis que le vieux brave, nommé sénateur, vivait petitement d'une modeste rente, l'épave dernière d'une fortune mangée au service de la patrie. Mais chez le jeune homme, la belle folie guerrière de l'ancien compagnon de Garibaldi s'était tournée en un furieux appétit de butin au lendemain de la victoire, et il était devenu un des vrais conquérants de Rome, un des hommes de proie qui dépeçait et dévorait la ville. Lancé dans d'énormes spéculations sur les terrains, déjà riche à ce qu'on racontait, il venait de se lier avec le prince Onofrio, qui l'avait affolé en lui soufflant l'idée de vendre le grand parc de la Villa Montefiori pour y construire tout un quartier neuf. D'autres affirmaient qu'il était l'amant de la princesse, la belle Flavia, plus âgée que lui de 9 ans, superbe encore. Et il y avait en effet chez lui une violence de désir, un besoin de curé dans la conquête, qui lui ôtait tout scrupule devant le bien et la femme des autres. Dès la première rencontre, il voulut Benedetta. Celle-ci, il ne pouvait la voir comme maîtresse, elle n'était qu'à épouser. Et il n'hésita pas un instant. il rompit net avec Flavia, brusquement affamé de cette pure virginité, de ce vieux sang patricien qui coulait dans un corps si adorablement jeune. Quand il eut compris qu'Ernesta, la mère, était pour lui, il demanda la main de la fille, certain de vaincre. Ce fut une grande surprise, car il avait une quinzaine d'années de plus qu'elle. Mais il était comte, il portait un nom déjà historique, et il entassait les millions, bien vu au Quirinal, en passe de toutes les chances. Rome entière se passionna. Jamais ensuite Benedetta ne s'était expliqué comment elle avait pu finir par consentir. 6 mois plus tôt, 6 mois plus tard, certainement, un pareil mariage ne se serait pas conclu devant l'effroyable scandale soulevé dans le monde noir. Une boccanera, la dernière de cette antique race papale, donnée à un Prada, à un des spoliateurs de l'Église. Et il avait fallu que ce projet fou tombât à une heure particulière et brève, au moment où un rapprochement suprême était tenté entre le Vatican et le Quirinal. Le bruit courait que l'entente allait se faire enfin, que le roi consentait à reconnaître au pape la propriété souveraine de la cité léonine et d'une étroite bande de territoire allant jusqu'à la mer. Dès lors, le mariage de Benedetta et de Prada ne devenait-il pas comme le symbole de l'union, de la réconciliation nationale? Cette belle enfant, le lys pur du monde noir, n'était-il pas l'holocauste consenti, le gage accordé au monde blanc? Pendant 15 jours, on ne causa pas d'autre chose, et l'on discutait, on s'attendrissait, on espérait. La jeune fille, elle, n'entrait guère dans ses raisons, n'écoutant que son cœur, dont elle ne pouvait disposer, puisqu'elle l'avait donné déjà. Mais du matin au soir, elle avait à subir les prières de sa mère, qui la suppliait de ne pas refuser la fortune, la vie qui s'offrait. Surtout, elle était travaillée par les conseils de son confesseur, le bon abbé Pisoni, dont le zèle patriotique éclatait en cette circonstance. Il pesait sur elle de toute sa foi aux destinées chrétiennes de l'Italie. Il remerciait la Providence d'avoir choisi une de ses ouailles pour hâter un accord qui devait faire triompher Dieu dans le monde entier. Et, à coup sûr, l'influence de son confesseur fut une des causes décisives qui la déterminèrent, car elle était très pieuse, très dévote, particulièrement à une Madone, dont elle allait adorer l'image chaque dimanche dans la petite église de la place Farnèse. Un fait la frappa beaucoup. L'abbé Pisoni lui raconta que la gamme de la lampe qui brûlait devant l'image devenait blanche chaque fois qu'il s'agenouillait lui-même en suppliant la Vierge de conseiller le mariage rédempteur à sa pénitente. Ainsi agirent des forces supérieures, et elle cédait par obéissance à sa mère que le cardinal et Donna Serafina avaient combattu, puis qu'ils laissèrent faire à son gré lorsque la question religieuse intervint. Elle avait grandi dans une pureté, dans une ignorance absolue, ne sachant rien d'elle-même, si fermée à la vie que le mariage avec un autre que Dario était simplement la rupture d'une longue promesse d'existence commune, sans l'arrachement physique de sa chair et de son cœur. Elle pleura beaucoup, et elle épousa Prada en un jour d'abandon, ne trouvant pas la volonté de résister aux siens et à tout le monde, consommant une union dont Rome entière était devenue complice. Et alors, le soir même des noces, ce fut le coup de foudre. Prada, le Piémontais, l'Italien du Nord et de la conquête, montra-t-il la brutalité de l'envahisseur? Voulut-il traiter sa femme comme il avait traité la ville, en maître impatient de se contenter? Ou bien, la révélation de l'acte fut-elle seulement imprévue pour Benedetta, trop salissante de la part d'un homme qu'elle n'aimait pas et qu'elle ne put se résigner à subir? Jamais elle ne s'expliqua clairement. Mais elle ferma violemment la porte de sa chambre, la verrouilla, refusa avec obstination de la rouvrir à son mari. pendant un mois, il dut y avoir des tentatives furieuses de Prada, que cet obstacle à sa passion affolait. Il était outragé, il saignait dans son orgueil et dans son désir, jurait de dompter sa femme, comme on dompte une jument indocile, à coups de cravache. Et toute cette rage sensuelle d'homme fort se brisait contre l'indomptable volonté qui avait poussé en un soir, sous le front étroit et charmant de Benedetta. Les boccanera s'étaient réveillés en elle. Tranquillement, elle ne voulait pas, et rien au monde, pas même la mort, ne l'aurait forcée à vouloir. Puis, c'était chez elle, devant cette brusque connaissance de l'amour, un retour à Dario, une certitude qu'elle devait donner son corps à lui seul, puisque à lui seul elle l'avait promis. Le jeune homme, depuis le mariage qu'il avait dû accepter comme un deuil, voyageait en France. Elle ne s'en cacha même pas, lui écrivit de revenir, s'engagea de nouveau à ne jamais appartenir à un autre. D'ailleurs, sa dévotion avait grandi encore. Cet entêtement de garder sa virginité à l'amant choisi se mêlait, dans son culte, à une pensée de fidélité à Jésus. Un cœur ardent de grande amoureuse s'était révélé en elle, prêt au martyre pour la foi jurée. Et quand sa mère, désespérée, la suppliait à main jointe de se résigner au devoir conjugal, elle répondait qu'elle ne devait rien, puisqu'elle ne savait rien en se mariant. Du reste, les temps changeaient, l'accord avait échoué entre le Vatican et le Quirinal, à ce point que les journaux des deux parties venaient de reprendre avec une violence nouvelle leur campagne d'outrage. Et ce mariage triomphal auquel tout le monde avait travaillé, comme à un gage de paix, croulé dans la débâcle, n'était plus qu'une ruine ajoutée à tant d'autres. Ernesta en mourut. Elle s'était trompée. Son existence manquée d'épouse sans joie aboutissait à cette suprême erreur de la mère. Le pis était qu'elle restait seule, sous l'entière responsabilité du désastre, car son frère, le cardinal, et sa sœur, Donna Serafina, l'accablaient de reproches. Pour se consoler, elle n'avait que le désespoir de l'abbé Pisoni, doublement frappé par la perte de ses espérances patriotiques et par le regret d'avoir travaillé à une telle catastrophe. Et un matin, on trouva Ernesta, toute froide et blanche, dans son lit. On parla d'une rupture au cœur, mais le chagrin avait pu suffire. Elle souffrait affreusement, discrètement, sans se plaindre, comme elle avait souffert toute sa vie. Il y avait déjà près d'un an que Benedetta était mariée, se refusant à son mari, mais ne voulant pas quitter le domicile conjugal pour éviter à sa mère le coup terrible d'un scandale public. Sa tante Serafina agissait pourtant sur elle, en lui donnant l'espoir d'une annulation de mariage possible si elle allait se jeter aux genoux du Saint-Père. Et elle finissait par la convaincre, depuis que, cédant elle-même à de certains conseils, elle lui avait donné pour directeur son propre confesseur, le père jésuite Lorenza, en remplacement de l'abbé Pisoni. Ce père jésuite, âgé de 35 ans à peine, était un homme grave et aimable, aux yeux clairs, d'une grande force dans la persuasion. Benedetta ne se décida qu'au lendemain de la mort de sa mère, et seulement alors elle revint habiter, au palais Boccanera, l'appartement où elle était née, où sa mère venait de s'éteindre. Tout de suite, d'ailleurs, le procès en annulation du mariage fut porté, pour une première instruction, devant le cardinal vicaire chargé du diocèse de Rome. On racontait que la contessina ne s'y était décidée qu'après avoir obtenu une audience secrète du pape, qui lui avait témoigné la plus encourageante sympathie. Le comte Prada parlait d'abord de forcer judiciairement sa femme à réintégrer le domicile conjugal. Puis, supplié par son père, le vieil Orlando, que cette affaire désolait, il se contenta d'accepter le débat devant l'autorité ecclésiastique, exaspéré surtout de ce que la demanderesse alléguait que le mariage n'avait pas été consommé, par suite d'impuissance du mari. C'est un des motifs les plus nets, accepté comme valable en cour de Rome. Dans son mémoire, l'avocat consistorial Morano, une des autorités du barreau romain, négligeait simplement de dire que cette impuissance avait pour cause unique la résistance de la femme. Et tout un débat se livrait sur ce point délicat, si scabreux, que la vérité semblait impossible à faire. On donnait de part et d'autre des détails intimes en latin. On produisait des témoins, des amis, des domestiques, ayant assisté à des scènes racontant la cohabitation d'une année. Enfin, la pièce la plus décisive était un certificat, signé par deux sages-femmes, qui, après examen, concluait à la virginité intacte de la jeune fille. Le cardinal vicaire, agissant comme évêque de Rome, avait donc déféré le procès à la congrégation du concile, ce qui était pour Benedetta un premier succès. Et les choses en étaient là. Elle attendait que la congrégation se prononçât définitivement, avec l'espoir que l'annulation religieuse du mariage serait ensuite un argument irrésistible pour obtenir le divorce devant les tribunaux civils. Dans l'appartement glacial où sa mère Ernesta, soumise et désespérée, venait de mourir, la contessina avait repris sa vie de jeune fille et se montrait très calme, très forte en sa passion, ayant juré de ne se donner à personne autre qu'à Dario, et de ne se donner à lui que le jour où un prêtre les aurait saintement unis devant Dieu.